L'échafaud, 1856, publié ensuite dans La Légende des siècles. Petit rappel, la place de Grève à Paris, au bord de la Seine, était devant l'Hôtel de Ville. Elle s'appelle maintenant la place de l'Hôtel de Ville. C'est là qu'avaient lieu les exécutions capitales. Et c'est là où se rassemblait le peuple pour manifester, pour faire la grève. D'où l'expression « faire la grève ». C'était fini, splendide, étincelant, superbe, luisant sur la cité comme la faux sur l'herbe. Large acier dont le jour faisait une clarté, ayant je ne sais quoi dans sa tranquillité, de l'éblouissement du triangle mystique, pareil à la lueur au fond d'un temple antique, le fatal couperet relevait, triomphait. Il n'avait rien gardé de ce qu'il avait fait, qu'une petite tache, imperceptible et rouge. Le bourreau s'en était retourné dans son bouge, et la peine de mort, ramenant ses valets, juges, prêtres, était rentrée dans son palais, avec son tombereau terrible dont la roue, silencieuse, laisse un sillon dans la boue, qui se remplit de sang sitôt qu'elle a passé. La foule disait « Bien !» car l'homme est insensé, et ceux qui suivent tout, et dont c'est la manière, suivent même ce char et même cette ornière. J'étais là, je pensais, le couchant empourpré, le grave Hôtel de Ville, aux luttes toujours prêt, entre hier qu'il médite et demain dont il rêve. L'échafaud achevait, resté seul sur la grève, la journée, en voyant expirer le soleil. Le crépuscule vint, au fantôme, pareil, et j'étais toujours là. Je regardais la hache, la nuit, la ville immense et la petite tache. À mesure qu'au fond du firmament obscur, l'obscurité croissait, comme un effrayant mur, l'échafaud, bloc hideux de charpente funèbre, s'emplissait de noirceur et devenait ténèbres. Les horloges sonnaient, non l'heure, mais le glas. Et toujours, sur l'acier, quoique le coutelas ne fût plus qu'une forme épouvantable et sombre, la rougeur de la tache apparaissait dans l'ombre. Un astre, le premier qu'on aperçoit le soir, pendant que je songeais, montait dans le ciel noir. Sa lumière rendait l'échafaud plus difforme. L'astre se répétait dans le triangle énorme. Il y jetait, ainsi qu'en un lac son reflet, lueur mystérieuse et sacrée. Il semblait que sur la hache horrible, au meurtre coutumière, l'astre laissait tomber sa larme de lumière. Son rayon, comme un dard qui heurte et rebondit, frappait le fer d'un choc lumineux. On eût dit qu'on voyait rejaillir l'étoile de la hache. Comme un charbon tombant qui d'un feu se détache, il se répercutait dans ce miroir d'effroi. Sur la justice humaine et sur l'humaine loi de l'éternité calme, auguste éclaboussure. Est-ce au ciel que ce fer a fait une blessure? Pensais-je. Sur qui donc frappe l'homme hagard? Quel est donc ton mystère, ô glaive? Et mon regard errait, ne voyant plus rien qu'à travers un voile, de la goutte de sang à la goutte d'étoile.